Beiza. Alain Nebele. Yeah, il est happy, wow. La nature fait les hommes semblables, mais la vie les rend différents. Ne juge pas quelqu'un par son apparence, sinon tu peux te tromper sur lui. Le mensonge, la haine et la jalousie nous obligent à se méfier. Mon ami Flingue Cuisier, c'est vrai aujourd'hui, Colo nous a quittés. Oh, Colo Delmas, il nous a quittés. Mais de là où il est, on peut pas l'oublier. On dit dans la vie, l'homme n'est vie et s'en va. Vous avez partagé de bons moments. Et ces moments-là, toi-même, tu ne pourras pas oublier. Il n'y a pas de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. L'erreur n'a jamais annulé la valeur de l'effort accompli. Maïga Bibé Kevin C. La musique qui m'a bercé depuis mon enfance. En tout cas.